Numéro 34. Au restaurant. Restaurant de. J'ai faim. Onaka ga sukimashita. Le restaurant est ouvert. Restaurant wa eigyō chū desu. Cette table est-elle libre? Kono seki wa aiteimasu ka? Nous avons réservé une table pour deux. Futari yoyaku shimashita. Je voudrais une table non fumeur. Kin-en-seki wo onegai shimasu. Puis-je avoir la carte? Menu wo kudasai. Avez-vous un menu en anglais? Eigo no menu wa arimasu ka?